que la nuit monte sommeil. Penseras-tu à moi? Amour était si pur, pourtant tu n'es plus là. Pourtant tu n'es plus là. Sur.